Bye. Forgé par la rue, scotché dans ma bulle. J'en veux toujours plus, ouais, ramène mes tuiles. Seul tout, j'veux les bouillards. Bombard, j'vends du brouillard. La HK, y'a Béné, et j'ai vu, elle est mort. Alors, tu dis dans le calçon, ma gueule, tu sais qu'on est beau son. J'investis sur 2-3 savons pour faire rentrer quelques euros. Envoie-moi la presse, j'ai passé tout ça. À coup, j'me suis cassé tout ça. Tout ce soir, en hiver, j'ai passé autant été et pensé. Je rentre dans le peur à s'antiquer. Maman, j'suis au bord du game. Et pas la peine de paniquer. Un salon est africain. Cavale, si tu nous vois venir, on donne les ordres comme Vladimir. Là, j'suis sonné, des manges et des prix. Ramène-nous tout, ramène-nous tout, ramène-nous tout, on va. Et que pour pousser, j'ai couru d'un bâtiment. Mélange, je suis pas trop du côté des soumis, c'est con, je te fais pas tout seul mon envol, un poteau, j'aime pas trop les néons, je suis du côté souffle des caméléons. Dans mon échangeur sur les réseaux, j'entends dire que la paille a pris du melon. Non, ça parle à Manon, ça se cache quand ça parle en canon. Je suis dans le piano avec l'équipage, on cherche un putain de tabon. Allez, pardon, sur les tableaux, mais ces pédales, c'est des ballons. Je suis dans le corner avec Rasmon, y'a de la frappe comme Adriano. Boulot plus des nègres, cherchez pour la bagot. Smith et Wesson sur la côte pour celui qui veut ma peau. Si tu trahis, t'es chelou. C'est sûr qu'on t'allonge. Et pour des affaires, t'inquiète, j'ai toujours le ballon.